L'imbroglio tchadien. Jamais sans doute cette expression n'a été aussi justifiée, car l'histoire récente du Tchad, depuis la décolonisation, n'est qu'une succession de coups d'État, de renversements d'alliances, de guerres ethniques entre sudistes et nordistes, ponctuées de nombreux massacres. Une situation chaotique exploitée ou suscitée par des puissances étrangères au Tchad. La France d'abord, tuteur traditionnel de cette ancienne colonie située à la charnière du monde arabe et de l'Afrique noire, qui entretient toujours un important contingent. Mais aussi la Libye, qui a longtemps lorgné sur une partie du territoire tchadien, la fameuse bande d'Aouzou. Et encore le puissant voisin du sud, le Nigeria, et même la République centrafricaine. Enfin, aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui s'intéressent à ce pays qui figure parmi les plus pauvres du monde, car, depuis peu, le Tchad est devenu un État producteur de pétrole. Mais, d'après M. X, il y a déjà un certain temps que les Américains interviennent dans le pays, pour y supplanter l'influence française et aussi pour faire pièce à son bouillant voisin, la Libye du colonel Kadhafi. Washington y a même entraîné dans le plus grand secret une petite armée d'opposants libyens à la barbe des Français. Cette affaire serait à l'origine du lâchage du président tchadien Hissène Habré par la France. Il faudrait aussi évoquer la crise du Darfour, cette province soudanaise située à la frontière tchadienne. Une crise qui n'est pas sans effet sur la situation actuelle du Tchad, qui doit accueillir des dizaines de milliers de réfugiés. Je vous propose donc de retrouver M. X pour un deuxième entretien consacré à ce pays. En septembre 1987, nous disait-il la semaine passée, après une deuxième intervention militaire française, les Libyens ont été repoussés vers le nord par les troupes tchadiennes et contraints de signer un cessez-le-feu. Mais cet apaisement tout provisoire ne met pas un terme aux rivalités internes et aux velléités d'ingérence du colonel Kadhafi. Avant de poursuivre, je dois vous dire que le Tchad a longtemps été une sorte de terrain d'exercice grandeur nature pour nos services secrets. Comme dans une grande partie de l'Afrique, non? Certes, mais plus encore au Tchad, où des agents français ont directement conseillé les présidents successifs, supervisé les coups d'État, recruté des mercenaires ou encore perfectionné un certain nombre de techniques modernes. Quoi, par exemple? Bon, les écoutes ou l'exploitation des images des satellites. Toutefois, au Tchad, ces services n'ont pas toujours été très clairs. Car malgré le changement de majorité politique en 1981, beaucoup d'agents étaient restés dans l'orbite de Jacques Foccart. Mais Foccart et ses réseaux. Qu'on retrouvait par exemple chez Elf, qui avait créé son propre service de renseignement. Mais enfin, passons. Si j'ai voulu recommencer par là, c'est que, vous allez le voir, les agents français vont encore jouer un grand rôle dans cette histoire. Alors on peut continuer. On en est resté en 1987 et au cessez-le-feu signé avec la Libye. Là. Est-ce que c'est la paix pour autant? Non. Non, Kadhafi ne renonce pas à se mêler des affaires tchadiennes, ne serait-ce que parce que la question de la bande d'Aouzou est toujours en suspens. Et disons-le tout de suite, après, on n'en parlera plus. Les deux pays finiront sagement par s'en remettre à une autorité internationale pour régler cette affaire. Quoi, c'est la Cour de la Haye, non ? Oui, en 1994, ouais. Cette Cour de justice internationale décidera que ce territoire appartient au Tchad. Ouais. Et Kadhafi acceptera ce jugement ? Tout à fait. Quoi qu'il en soit, les relations entre les deux pays traversent des hauts et des bas. Le cessez-le-feu est rapidement rompu par Kadhafi. Puis, le Tchad et la Libye se rabibochent et rétablissent même leurs relations diplomatiques en 1988. Ce qui arrange d'abord Hissène Habré, qui a fort à faire dans son propre pays. Toujours des opposants? Oui, au sud, ça bouge toujours. Et le Nigeria n'y est pas vraiment étranger. Mais c'est à l'est que la situation est la plus préoccupante. C'est-à-dire à l'est, la frontière avec le Soudan, hein? Oui, au Darfour, c'est ça. Mm-hmm. De nombreux opposants y ont trouvé refuge. Et ils y sont comme chez eux, car ils appartiennent aux mêmes ethnies. Ces opposants, soutenus par Kadhafi. Encore ? Ah, c'est plus fort que lui. Donc, équipés par Kadhafi, ils font de fréquentes incursions au Tchad. En même temps, Hissène Habré gouverne d'une main de fer son pays. Il emprisonne à tout va. Et quand ça ne suffit pas, il tue. On estime que sous son règne, plus de 40 000 personnes seront liquidées. C'est énorme. En effet. Et à Paris, ça commence à poser de sérieux problèmes. Mais pourquoi alors? À cause de la présence de nos militaires au Tchad et du soutien officiel que nous apportons à Hissène Habré. Le président Mitterrand a beau demander aux Tchadiens d'instaurer le multipartisme dans son pays, celui-ci ne répond pas et continue de liquider ses opposants. Par conséquent, à Paris, on aimerait bien se débarrasser de lui. Ah, c'est certain, mais il faut trouver l'homme qui le remplacera. Gukuni Wedei, non? Ça serait effectivement une solution, d'autant que personnellement, François Mitterrand a de la sympathie pour ce seigneur de la guerre. Mais Wedei, qui a tenté en vain de se réconcilier avec son éternel rival, a trouvé refuge à Alger. Il est hors jeu. Il n'aura plus qu'un rôle marginal dans l'histoire de son pays. Non, l'homme qui pourrait renverser Abré se nomme Idriss Déby. Ouais. Qui est chef d'état-major de l'armée tchadienne, hein, et qui a aussi férocement réprimé la guérilla sudiste. Lui-même, c'est ça, oui. Ce général est plutôt bien vu chez nous. Chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, je veux parler des services de renseignement et des milieux militaires. Déby, qui est un authentique guerrier, intrépide et courageux, a suivi un stage en France à l'école de guerre. Et là, il a fait très bonne impression. Ouais, je veux bien, mais enfin... Il y avait quand même ces exactions perpétrées dans le Sud. En 1984, oui. Ouais. Eh bien, parfois, la raison d'État rend aveugle et sourd, c'est tout ce que je puis vous dire. Quoi qu'il en soit, soutenu ou pas par la France, Idriss Déby tente une première fois sa chance en 1989. Un push, quoi. Déby est alors conseiller du président Abré pour les affaires de sécurité et de défense. Ah oui, donc bien placé pour préparer un coup d'État. Évidemment. Ouais. Et il associe à sa tentative deux hommes qui ne sont pas moins bien placés. L'un est le chef de l'armée, l'autre est le ministre de l'Intérieur. En effet, oui. Mais le complot est déjoué à temps par Hyssen Abré, le ministre et le patron de l'armée sont arrêtés. Ouais, et Déby il parvient à s'enfuir à temps et passe la frontière soudanaise. Alors lui aussi se réfugie au Darfour. Où il rejoint des opposants membres d'une ethnie apparentée à la sienne, les Agawa. Il crée aussitôt un parti, le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, et trois semaines plus tard, on le retrouve à Tripoli. Chez Kadhafi. Ce qui permet à Hyssen Abré, dès qu'il l'apprend, d'accuser la Libye de préparer une nouvelle attaque contre son pays. C'est vrai, ça? Non, je ne pense pas. Encore qu'avec le fantasque Kadhafi, tout est possible. Mais Abré en profite tout de suite pour demander à la France un renforcement du plan Épervier. C'est-à-dire un renforcement de la présence militaire française au Tchad. Hein. Et Paris accepte? Oui, notre pays envoie là-bas des hommes et des armes légères. Donc, on donne l'impression de soutenir Abré, alors même que... Si je vous ai bien compris, hein, la France voudrait bien se débarrasser de lui parce qu'il n'est plus très fréquentable à cause de ses multiples atteintes au respect des droits de l'homme. C'est la vérité. Mais dans le même temps, notre service de renseignement, la DGSE, entretient des rapports très étroits avec Idriss Déby, revenu au Soudan. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie et comment expliquez-vous cette contradiction? Bah écoutez, il n'est jamais inutile d'avoir deux fers au feu. Et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est à peu près ça, oui. Il n'y a donc pas... Deux politiques françaises au Tchad. Non. Et de plus en plus, le balancier va pencher du côté de Déby, qui est maintenant cornaqué directement par un officier de la DGSE. Officiellement? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à un homme qui s'est précipité à Tripoli dès qu'il a rompu avec Abré? Et qui est en partie armé par Kadhafi. Ah oui. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question, mais Déby, via cet officier de la DGSE, a donné des assurances. Non, il ne serait pas un agent de la Libye. Et il resterait intraitable sur la question de la bande d'Aouzou. En outre, il était difficile d'oublier que Déby avait été l'inventeur des raids éclairs contre les Libyens. Ces raids zou de l'ère moderne effectués en 4x4. En tout cas, de l'autre côté, il est certain que les relations de la France avec le président tchadien se refroidissent. Comment ça se manifeste? Quand Abré demande l'octroi d'une couverture aérienne offensive pour riposter à une éventuelle attaque, on lui répond par une fin de non-recevoir. Ouais, on est donc bien prêt de le lâcher. Incontestablement. Et Abré, qui est un homme intelligent, le comprend et s'en plaint amèrement. D'autant plus que Déby fait peser une pression de plus en plus insistante sur son régime. Le rebelle lance une première offensive à la fin 1989. Puis il récidive au printemps 90. Et enfin, à la fin de cette même année, il lance un troisième assaut dans le sud-est du pays. Avec succès? Oui. Et le contingent français, qui est toujours là, hein, que fait-il? Rien. Pourtant, il existait, enfin, vous me l'avez dit la semaine dernière, un accord d'assistance militaire entre la France et le Tchad. C'est exact. Ouais. Et comme Idriss Déby a attaqué depuis le Darfour, le Soudan, son offensive aurait pu être considérée comme une agression extérieure. C'est encore une fois exact, et ça veut dire que d'ores et déjà, la France avait choisi Déby contre Abré. Et sur le terrain, elle a laissé faire. Et en dehors des reproches qu'on pouvait adresser à Abré sur la question des droits de l'homme, notre pays avait aussi une bonne raison de le lâcher. Expliquez-moi alors. Déby avait passé un accord secret avec Elf. Contre un appui du groupe pétrolier français, Déby s'était engagé à introduire Elf dans le consortium jusqu'ici anglo-saxon et chargé de prospecter le sous-sol tchadien. Après la conclusion d'un tel accord, la messe était forcément... Qui est Idriss Déby? J'ai trouvé ces quelques éléments biographiques dans l'ouvrage « Les mondes rebelles ». D'ethnie Bideyat, implanté dans l'Ennedi, donc au nord du Tchad, Idriss Déby est né en 1952. Après des études primaires, coraniques, puis secondaires, à la française, il intègre l'école d'officiers de N'Djamena en 1975 et opte pour l'armée de l'air, effectuant plusieurs séjours de formation en France. À la fin des années 70, il rejoint les FAN, Forces Armées du Nord, et devient rapidement l'un des principaux lieutenants de Habré. Il s'illustre à diverses reprises. C'est à lui que l'on doit le modèle de retrait en bon ordre de N'Djamena, opéré par les FAN en décembre 1980. Moins de deux ans plus tard, et quelques batailles en plus, il dirige personnellement la première colonne des FAN, rentrant victorieuse dans N'Djamena. Nommé colonel, il occupe durant la première moitié des années 80 le poste de commandant en chef des FAN, puis approfondit ses compétences militaires en effectuant un stage à l'école supérieure de guerre à Paris en 85-86. En compagnie d'Hassan Djamous, il est l'un des principaux artisans de la reconquête du nord du Tchad aux dépens de l'armée libyenne dans les années 86-87. Il rompt avec Habré en avril 1989, et après un nouveau passage dans le maquis au Darfour, imitant la manœuvre de Habré des années 1980-1982, ayant créé le MRS, il s'empare du pouvoir en décembre 1990. Habré comprend très vite qu'il a perdu la partie. Il n'attend pas l'entrée des troupes de Déby pour s'enfuir d'abord au Cameroun, puis au Sénégal, où il séjourne toujours malgré les charges qui pèsent sur lui. Mais ces atteintes aux droits de l'homme, oui, c'est ça. Des Tchadiens et une association de victimes de la torture ont porté plainte contre lui. Et la justice sénégalaise l'a inculpé pour complicité d'actes de torture avant de se déclarer incompétente. Mais il sera peut-être jugé un jour dans un autre pays. Au Tchad ? J'en doute. Son successeur, Idriss Déby, n'a sans doute pas envie d'un tel procès, car il était trop longtemps proche de Habré. Oui, donc il savait. Pour le moins, oui, et il risquerait d'être personnellement mis en cause. En tout cas, aujourd'hui, Habré vit donc des jours tranquilles à Dakar, où il occupe deux spacieuses villas. Il faut dire qu'avant de quitter son pays, il a pris soin de rafler tout ce qui restait dans les caisses de l'État tchadien. Oui, ça aide. Idriss Déby est donc maintenant au pouvoir. Oui, et après quelques désordres qui ont suivi l'entrée de ses troupes dans la capitale, il s'est fait nommer président de la République par le bureau politique de son parti. Non, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et l'officier de la DGSE, qui l'a chaperonné lorsqu'il se trouvait au Darfour, devient son conseiller spécial. Quoi, au nom des services rendus ? Bien entendu. Et ses rapports avec la France ? Ils sont excellents, d'autant qu'il a promis d'instaurer le multipartisme. Est-ce qu'il fera ? Oui. Mais pas trop longtemps, ça permet même à Kokouni Wadaï de rentrer dans son pays. En tout cas, c'est vrai, Paris semble apprécier le changement. Et deux mois à peine après sa prise de pouvoir, Idriss Déby fait le voyage de Paris. L'adoubement. On peut voir les choses comme ça. Enfin, il est reçu donc par le président Mitterrand qui lui promet que les forces françaises du plan Épervier demeureront sur place. Déby profite de ce voyage pour rencontrer le patron de la DGSE à qui il demande que des agents français soient détachés à N'Djamena pour former ses propres services. Des espions coopérants, en somme. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et pour Elf, alors, il tient ses promesses ? Oui, la compagnie française pourra entrer à hauteur de 20% dans le consortium pétrolier tchadien. Mais je reviens à nos agents secrets détachés au Tchad. Leur présence et celle de ce conseiller spécial de la présidence permettent de tenir à distance les hommes de la CIA. Et pour Paris, ce n'est pas négligeable. Le Tchad doit rester solidement ancré à la France pour toutes les raisons que je vous ai expliquées la semaine passée. Oui, l'intérêt stratégique. Essentiellement. Idriss Déby a donc gagné avec l'appui de la France. L'appui ou sa passivité ? C'est pareil. Toutefois, le président tchadien est vite confronté à plusieurs difficultés. D'abord, il s'est nabré, n'a pas renoncé. En octobre 1991, un premier coup de force est tenté contre Déby. Et Habré se trouve derrière ? Presque certainement, avec la complicité du vice-président qui est aussitôt limogé. Ça recommence au début de l'année suivante, mais c'est un nouvel échec. Conséquence immédiate, Paris décide de renforcer immédiatement le plan Épervier. Ouais, alors c'est toujours la lune de miel avec Paris. Oui, mais en dehors des complications que lui causent les partisans de Habré, Déby doit aussi faire face à la rébellion de plusieurs autres mouvements armés. Des mouvements encore ethniques, en fait. Bien évidemment. Dans le sud, l'agitation est presque permanente. Et cela dure depuis de longues années en raison de la traditionnelle animosité entre les agriculteurs et les nomades. Et Déby, lui, est justement un homme du Nord. Et donc détesté. À l'ouest aussi, ça bouge, en particulier du côté du lac Tchad, en liaison avec les hommes de Hissène Habré. Et puis, il y a le Nord, où des tribus nostalgiques de l'ère Wadaï essayent de ressusciter l'ancienne guérilla, le Frelinat, c'est-à-dire le Front de Libération du Tchad. Sous Idriss Déby, le Tchad demeure donc un pays extrêmement violent où la rébellion armée fait souvent cause commune avec la criminalité. Face à ces opposants armés, comment réagit Idriss Déby ? Le nouveau président tchadien n'est pas un tendre, hein. C'est un seigneur de la guerre, il ne faut pas l'oublier. Il a déjà prouvé en 1984 que les troupes sous ses ordres usaient de la manière forte. Par conséquent, tous ceux qui contestent son autorité ou même qui sont soupçonnés de le faire un jour sont frappés sans pitié. Mmh. Au fond, alors, il gouverne avec les mêmes méthodes que son prédécesseur. Ah ben, ça y ressemble, en tout cas. Et je ne veux pas défendre Déby, mais l'existence dans son pays d'une dizaine de mouvements armés va peu à peu l'obliger à se replier sur lui-même et ses frères ethniques et à abandonner progressivement toute idée de faire évoluer la démocratisation. Ses frères ethniques, avez-vous dit Oui, les Bideya, qui ne représentent qu'1% de la population tchadienne, et surtout les Zagawa, une ethnie turbulente également minoritaire, mais apparentée, présente à la fois au Tchad et au Darfour. Ce sont essentiellement eux, les Zagawa, qui soutiennent Déby et se sont taillés de véritables fiefs dans l'appareil d'État et l'armée. Bref, ils font la pluie et le beau temps, quoi. Ils s'en mettent plein les poches, oui. et ils soutiennent Déby comme la corde soutient le pendu, surtout depuis qu'ils ont repoussé les partisans de Hissène Habré. Bras armés du régime, ils sont aussi les adversaires naturels de la démocratisation et sont même capables de provoquer à l'occasion des dissidences armées. Ouais. Afin de fragiliser le président et de renforcer leur emprise sur le pouvoir. Bien entendu. Ouais. En outre, la suprématie de cette ethnie minoritaire dans un pays aussi divisé ne fait qu'exaspérer l'hostilité des autres. Ouais, ça se comprend. Et ça explique pourquoi le Tchad continue de s'enfoncer dans la guerre civile et la violence. Mais vous m'avez quand même parlé à plusieurs reprises de tentatives de démocratisation. Bah, une démocratisation que l'opinion internationale et Paris réclament à corps et à cri. Officiellement, en tout cas. Oui, vous mettez un bémol, là. Bah, parce qu'en réalité, malgré toutes les dérives et les exactions du pouvoir, la France continue à assister l'armée tchadienne et à entraîner la garde républicaine. Dans cette mesure, elle se rend donc complice des méthodes expéditives utilisées contre les opposants. Alors, la démocratisation, qu'en a-t-il été réellement ? En 1993, Idriss Déby convoque une conférence nationale, une sorte de réunion de réconciliation dont l'ambition était de consacrer le multipartisme. Avec quel résultat, alors ? Oh, médiocre. Oui. Franchement, j'en doute. Les moyens ne manquaient pas de fausser les résultats, quitte à payer quelques-uns des leaders de l'opposition. Mais après tout, seul le résultat comptait. Et Déby, porté à la présidence de la République, y a gagné, pour un temps, un vernis de respectabilité. Mais ça ne va pas durer. Et le Tchad va bientôt connaître une des pages les plus noires de son histoire. A-t-elle été complice dans les opérations de répression menées contre les opposants tchadiens ? J'ai feuilleté le livre de François-Xavier Verschave, Noir procès. L'auteur cite un rapport d'Amnesty International de 1996. J'en extrais ces quelques lignes. Les autorités françaises affirment que leur mission est de restructurer les forces de sécurité tchadiennes. Cependant, au cours de la période étudiée, d'avril 1995 à octobre 1996, des exécutions extrajudiciaires, des viols, des arrestations arbitraires, accompagnées de tortures, se sont poursuivies. Les autorités françaises ne peuvent pas ignorer que les véhicules tout-terrain, le carburant, les moyens de transmission et les menottes, livrés au titre de l'AMT, assistance militaire technique, ont été détournés de leur fonction initiale pour exécuter et torturer. Manifestement, dans le cadre de l'AMT, la question des droits de l'homme n'a pas sa place. Cela a été confirmé à la délégation d'Amnesty International à N'Djamena en avril 1996 par les autorités françaises qui ont affirmé que ce sujet n'était pas traité par ses instructeurs. A noter que le livre de Verschave a été attaqué par Idriss Déby pour offense à un chef d'État, mais le président tchadien, tout comme ses homologues gabonais et congolais, a été débouté. Cela commence à l'automne 1997. Le pouvoir tchadien décide d'en finir avec la rébellion sudiste. La garde présidentielle est envoyée là-bas et se conduit à son habitude sans pitié. Une fois de plus, ce sont les civils qui sont les premières victimes. Malheureusement. Mais cela ne suffit pas à réduire la rébellion. Et au début de 1998, un sudiste, le docteur Nahor, neveu d'Outel Bono, un opposant historique assassiné un quart de siècle plus tôt, enlève 4 Français. Il veut sans doute souligner le fait que notre pays est volontairement ou pas partie prenante de la répression. Notre ambassade entame aussitôt des négociations qui aboutissent rapidement à la libération des otages. Mais ça fâche au plus haut point, Idriss Déby. Pourquoi ? Parce qu'on a discuté avec des rebelles ? Pour lui, des étrangers, même français, n'avaient pas à prendre langue avec des gens qui le contestent par les armes. Mais la deuxième fâcherie ne va pas tarder. Toujours en 1998... Le président tchadien demande que les forces aériennes françaises transportent ses propres troupes au sud. Toujours pour réduire la rébellion, non ? Oui, et Paris refuse. 1998, c'est donc Jospin qui est aux affaires. Hein. Il n'a pas du tout envie de se mêler des affaires intérieures du Tchad. Et cette attitude irrite Déby. Il se met en colère. Ça va même si loin que le président tchadien expulse la vingtaine d'agents de la DGSE chargés d'entraîner la garde présidentielle. Toutefois, même sans l'appui de l'aviation française, le pouvoir lance à nouveau ses forces contre les rebelles sudistes. Et il s'ensuit de nouveaux massacres. Plusieurs chefs de village sont ainsi assassinés. Pour l'exemple ? Oui. Les rares témoins signaleront l'exceptionnelle sauvagerie de ces soldats Agawa. Les agents de la DGSE sont expulsés. Mais est-ce que le contingent français reste au Tchad ? Oui. Oui, Jacques Chirac le promet à Idriss Déby, les 1000 soldats français resteront. Tout cela est... Et bien ambigu. Certainement, mais c'est la cohabitation, ne l'oubliez pas. En tout cas pour l'Elysée, il est capital de conserver une importante force militaire au Tchad. Surtout depuis qu'ont été évacuées les bases qu'entretenait la France en République centrafricaine. Mais il est vrai que cette série d'incidents a affecté les rapports franco-tchadiens. D'autant qu'au sein du PS, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer l'abandon du plan Épervier. Et donc le retour en France de nos troupes. Hein. Et ça inquiète Déby. Et naturellement. Et bientôt, un nouveau sujet de brouille surgit. Alors, fin 1999, Elf se retire du consortium pétrolier tchadien. Et pour quelle raison alors ? Bon, elles sont multiples. Il y a d'abord l'instabilité de la région, où doit être extrait le pétrole. Au sud, là où les troubles n'ont jamais cessé. Et il ne fait aucun doute que la perspective de production de pétrole alimente certainement ces mouvements insurrectionnels. Parce que les gens du Sud ne veulent pas que les nordistes au pouvoir accaparent cette richesse. Bah, c'est évident. Mais même au Nord, où l'on a découvert de nouveaux gisements, la situation n'est pas plus calme. Ensuite, il faut tenir compte de la géographie. Le Tchad est un pays enclavé. Pour évacuer le pétrole jusque dans un port de la côte ouest, il faut construire un oléoduc de plus de 1000 km qui traverse le Cameroun. Et ça représente un formidable surcoût. Bien sûr. En outre, Elf, devenu Total Fina, préfère reconcentrer ses activités sur les gisements offshore de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision provoque la colère du président tchadien. D'autant que c'est lui qui a introduit Elf dans son pays. Et il se venge sur l'ambassadeur de France qui est accusé d'avoir critiqué la politique présidentielle et soudain déclaré persona non grata. Carrément. Il faut en effet savoir que Déby a mis de grands espoirs dans cette ressource pétrolière. Les compagnies pétrolières estiment en effet que les revenus annuels de l'État tchadien pourraient s'élever à quelques 100 millions de dollars. Pour un des pays les plus pauvres du continent, c'est énorme. Ça équivaut à un doublement de son budget. Mais il y a quand même cet oléoduc là qu'il faut construire. Ce n'est pas simple. Le projet est à peine envisagé que plusieurs ONG le mettent en cause. Pourquoi là ? Menaces sur l'environnement, risque de guerre civile, corruption, etc. Bref, tout ce que d'aucuns ont appelé la malédiction du pétrole et qui est illustré par la situation du Nigeria où... Non seulement le delta du Niger a été gravement pollué, mais où la manne pétrolière n'a guère profité aux populations. Il n'y a pas que le Nigeria. Vous avez raison. Les richesses pétrolières des pays africains ont toujours été confisquées par leurs dirigeants. Voilà. Revenons au Tchad. Trois compagnies pétrolières sont décidées à se lancer dans l'aventure et donc à construire cet oléoduc. Quelles sont-elles alors ? Le consortium est composé de deux compagnies américaines, Exxon et Chevron. La troisième est en malaise. Mais l'investissement est si considérable qu'elles font appel à la Banque mondiale. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'industrie pétrolière, cette institution internationale exige la mise en place de garde-fous avant de donner son accord. De quoi s'agit-il là ? De subordonner son prêt à des garanties apportées par l'État tchadien. La Banque mondiale veut être sûre que les ressources du pétrole seront gérées de façon transparente et qu'elles seront réellement utilisées pour développer le pays et financer des services publics qui se trouvent au Tchad dans un état lamentable. Et c'est une vraie gageure dans un pays du tiers-monde. Absolument. Et d'ailleurs, malgré le vote d'une loi par le Parlement tchadien, on assiste rapidement à un premier accroc. C'est-à-dire ? Le pouvoir tchadien est impatient de toucher ses premières royalties sur le pétrole. Ouais. Je veux dire que la construction de l'oléoduc a donc commencé. À la fin de l'année 2000. Ouais. Et sa mise en service est programmée pour la mi-2003. Bon, je vous disais donc qu'à N'Djamena, on était impatients. Et en guise de bonne volonté, la société Exxon a versé à l'État tchadien un bonus de plusieurs millions de dollars. Mais alors que le FMI, le Fonds mondial international, est obligé de venir en aide au Tchad, dont les populations souffrent de la famine, le pouvoir consacre ce bonus à l'achat d'armes. Toujours, bien entendu, pour lutter contre la rébellion. Et cet achat d'armes, si je comprends bien, est en parfaite contradiction avec les conditions posées par la Banque mondiale. Bah, effectivement, ce qui conduit cette institution à affirmer qu'elle va intensifier sa supervision. Ouais, efficacement ? Difficile à dire, parce que les garanties exigées par la Banque mondiale ne concernent que les gisements situés au sud du Tchad. Mais d'autres compagnies prospectent dans le Nord, et elles ne se sentent nullement tenues par les accords destinés à contrôler les recettes pétrolières. Enfin, il faut aussi ajouter que la construction de l'oléoduc et sa surveillance ont fait l'objet de fabuleux contrats. Ah oui, ça a donné lieu à des versements de pots de vin. Bah, obligatoirement. Il faut ajouter que c'est une société de sécurité française qui a été chargée d'assurer la protection de l'oléoduc. Une façon pour nos services de reprendre pied au Tchad, car cette société est truffée d'anciens agents. Et c'est bien pratique à un moment où les États-Unis poussent le Tchad à s'affranchir de la tutelle française. Oui, pour prendre la place de la France. Évidemment, les Américains qui exploitent le pétrole tchadien ont de nombreuses cartes en main. Ce sont eux, par exemple, qui désormais équipent en partie l'armée tchadienne. Mais ils ont trouvé un argument supplémentaire pour investir le Tchad. Quoi ? Bah, Al-Qaïda. Attendez, que vient faire Al-Qaïda au Tchad ? Bah, je vous explique. Vous avez déjà entendu parler du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Oui, c'est l'organisation qui avait enlevé des touristes allemands au Sahara. Hein. C'est ça. Ouais. Ce groupe issu du GIA algérien est considéré comme faisant partie de la mouvance Al-Qaïda. Et il évolue dans la zone du Sahel. Ouais, donc, également dans le nord du Tchad ? Oui. Et Washington a décidé d'apporter un soutien considérable à tous les pays de la région afin que leurs armées luttent efficacement contre ces islamistes. Ouais, une sorte de programme d'assistance militaire. Oui, qui a pour objet la lutte globale contre le terrorisme et surtout la sécurisation des sources d'énergie exploitées par les États-Unis en Afrique, à commencer par le pétrole. Ce pétrole africain qui prendra une place de plus en plus importante dans l'approvisionnement de l'Amérique. Et pour bien vous persuader de l'intérêt des États-Unis pour la région, je me contenterai de citer George W. Bush. Mais pour une fois, non, qu'a-t-il dit ? C'était en 2003, à l'occasion de sa visite dans plusieurs pays africains. Il a à peu près déclaré « Nous ne laisserons pas les terroristes menacer les peuples africains ni utiliser l'Afrique comme base pour menacer le monde. » Alors ça justifie l'interventionnisme américain en Afrique. Et aussi la mise à l'écart progressive des anciennes puissances coloniales, dont la France, bien sûr. Parfait, mais vous m'avez annoncé aussi que vous me parleriez du Darfour. Volontiers, parce que cette crise pèse de plus en plus sur l'avenir du Tchad. Pour résumer, à grands traits, cette guerre a d'abord une origine foncière. Oui, les nomades arabes contre les cultivateurs noirs. Hein. Oui, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi le Tchad est-il concerné ? Eh bien parce que les Agawas, attaqués par les supplétifs arabes, sont ethniquement apparentés aux hommes qui sont au pouvoir à N'Djamena. Ils attendent donc du secours de la part du président Déby. Bah, normal, non ? Et le Tchad, c'est certain, leur fournit des armes pour se défendre et les accueille aussi par dizaines de milliers. Mais Déby ne peut guère aller plus loin sans risquer d'ouvrir un conflit avec le Soudan. Et cette attitude prudente lui vaut quelques ennuis avec ses propres partisans. Oui, qui voudrait qu'il intervienne au Darfour. Et en mai 2004, certains de ses proches auraient même tenté de le liquider. Mais vous employez quand même le conditionnel. Oui, parce que cette tentative de putsch ne me semble pas claire. Est-ce que les candidats putschistes n'auraient pas plutôt essayé de débarquer Déby pour s'approprier les revenus du pétrole ? La question du Darfour n'étant qu'un prétexte, c'est ça ? À moins que ce putsch n'ait été purement et simplement inventé par le président pour calmer certains de ses partisans. Enfin, quoi qu'il en soit, la question du Darfour est très embarrassante pour le Tchad et risque à terme de déstabiliser le régime. D'autant que les Américains, encore eux, s'impliquent fortement dans cette affaire. Et ils font d'énormes pressions sur le Soudan pour que les violences cessent. Oui, le Soudan qui était encore considéré il y a peu comme un état voyou. Alors pourquoi ces pressions ? Eh bien, au Darfour aussi, le sous-sol attire les convoitises des pétroliers et on ne fait jamais de bonnes affaires dans des pays instables. Un dernier élément. Idriss Déby a obtenu sans aucune difficulté de l'Assemblée nationale une réforme de la Constitution qui l'autorise à se présenter à nouveau à la présidence de la République en 2006. Mais sera-t-il encore au pouvoir ? Enfin, je voudrais vous recommander plusieurs livres. Au service de la République de Claude Faure, qui vient d'être publié chez Fayard, Les Mémoires d'Afrique de Guy Penn, Noir Silence et Noir Procès de François-Xavier Verschave, autant de livres dont vous trouverez les références sur notre site franceinter.com.